وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Qui n'ont pas estimé Allah sa juste valeur, et que la terre, je la saisirai entièrement le jour des comptes, ainsi que les cieux seront pliés dans sa main, qu'il soit exempt de tout défaut, et qu'il soit au-dessus de ce qui lui associe. فَهَذَا أَعْظَمَ وَقَعَ فِيهِ الْإِنْسَانِ. La plupart des gens, même dans la Oumma, qui fassent que tout le shirk que l'on voit, les bidar que l'on voit, les ma'asi que l'on voit, ça provient de là. Que Allah n'a pas été estimé à sa juste valeur. Bien que le verset là concerne les mushrikines qui ont fait du shirk. Car ça, c'est la pire dévalorisation que l'on fait pour Allah. De lui donner son droit à autre que lui. Et quoi qu'il en soit, le mubtadi' kazalik n'a pas estimé Allah à sa juste valeur. Et le fasiq n'a pas estimé Allah à sa juste valeur. Et même le salih, qui est mukassir, qui est négligent dans les ibadah, n'a pas estimé Allah à sa juste valeur. Il y a d'accord Allah Ta'ala, « Ya ayyuha allazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuha allazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit. » ومن هذا قيل أنه جاءت الآية الأخرى فاتقوا الله ما استطعتم إكرنيا لكم le pouvez car craint Allah tel qu'il le mérite, tel qu'il se doit. Cela est vraiment une chose immense sur l'être humain. Et seul y arrive les ulama. إنما يخشى الله من عباده العلماء. Que seuls les savants craignent Allah, c'est-à-dire une crainte réelle. Une crainte qui soit à la hauteur. Et bien sûr à la hauteur en mesure des capacités de l'être humain. En mesure des capacités de l'être humain. Donc plus la personne sera savante de qui est son Seigneur dans ses noms et attributs, et plus elle le craindra. Et mieux se comportera avec lui. Car l'ignorance, c'est un poison qui est amène le abd à ce qui lui est préjudiciable fil dunya ou fil akhira. D'accord. Donc le fait de ne pas avoir estimé Allah sa juste valeur, cela est dû à notre ignorance. Et la ghafla, l'inattention, la négligence également. Wa hubb ad-dunya. Wa ghayr dhalika. Tu verras les gens, masalan, vanter مثلاً un film pour les effets spéciaux qu'il pourrait être fait dans ce film. Regarde comment il a fait telle chose. Regarde comment ils ont fait telle créature. Regarde comment l'autre fait telle et telle chose. Tu vois? Et pourtant, tu ne les vois pas impressionnés par la créature en elle-même, vivante, réelle, que Allah Azza wa Jalla a créée. Tu es impressionné par un monstre de 3 mètres de haut dans un film qui est fait par animation et tu n'es pas impressionné par un simple moustique qui est lui vivant qu'Allah a créé et qui est bien plus complexe. D'accord? Car, comme on l'a dit l'autre jour dans le Desert Aswir, l'être humain est incapable de créer un moustique, voire même l'aile du moustique, voire même la patte du moustique. Ni la mouche, ni la puce, ni le moindre microbe. On en est incapable. Et pourtant, on s'impressionne devant ce que la créature aura façonné, et on reste, on va dire, de marbre, presque, face à ce que Allah a créé. Des gens sont impressionnés par les choses de la création. Mathalan, voir des animaux, ça les impressionne. Ils vont voir des choses qui impressionnent, mais des choses, on va dire, minimes à l'œil, elles n'auront pas de valeur. Alors qu'en réalité, elles sont une créature basée sur un, comment dirais-je, un organisme complexe et parfait par rapport à cette créature en elle-même. Regarde le moustique, ça vole. Nous, on peut voler. On ne peut pas voler. Regarde le moustique, quand il pompe le sang de la créature, il peut arriver jusqu'à porter 10 fois son poids. Ce petit moustique là, tellement il se remplit de sang, qu'il arrive à prendre un poids. Toi, imagine-toi, entre être humain, on te met 10 hommes sur toi. Déjà, on te met un seul sur toi, tu auras du mal à marcher. 10 hommes, c'est-à-dire que le moustique est plus fort que l'homme. La mouche est plus forte que l'homme. Ces animaux, on les voit tout petits comme ça, on dit une claque, on tue. Mais en réalité, proportionnellement par rapport à l'homme, ils sont beaucoup plus forts que nous. Si tu avais un moustique à la taille d'un homme, ce serait un animal d'une force incroyable. Tu ne pourras rien faire contre lui, à main nue. Donc c'est ça le problème. On n'a pas estimé Allah sa juste valeur. Et là, c'est ce qu'on dit, c'est un amousage. C'est un exemple comme ça. Mais d'abord, qu'est-ce qu'elle n'a pas été estimée à sa juste valeur. Allah Moustan. Donc ce arche, le seul qui peut savoir sa taille, c'est Allah. C'est Allah, car il est au-dessus du trône. Donc, il sait c'est quoi sa taille. Tout le reste est en dessous du trône. Et une fois, Cheikh Ben Baz fait interroger, on lui fait informer que l'Amérique avait construit des avions de chasse de telle et telle sorte, impressionnants, qui vont faire telle et telle chose. Et pour dire, ouais, regarde ce qu'ils ont fait les Américains et tout. Ben Baz, il a dit, ces avions, ils volent au-dessus du trône ou sous du trône? On dit en dessous. Quand ils sont sous du trône, t'as rien à craindre. Tout ça, c'est sous le contrôle d'Allah. Si Allah il veut, ces avions, ouais, donc tout ce qu'on est sous du trône, d'accord, et tout est en dessous du trône à part Allah, c'est sous le contrôle d'Allah. Aussi gigantesque et titanesque que la création, alors ça reste sous le contrôle d'Allah, Azza wa Jal. Et Allah akbar min kulli shay. Donc c'est celui-là qui connaît ce genre de adilla. Et comme on l'a dit, « Nama yarsha Allah min ibadi l'ulama'u » Eh ben, ils n'ont pas peur de la créature. Car ils savent qu'Allah est plus grand que tout. Tu peux venir avec toutes tes armes, ce que tu veux. Si Allah nous donne le secours, toutes tes armes ne serviront à rien du tout. Tout comme si Allah, il veut nous abandonner, même si nous, on a toutes ces armes-là, elles ne serviront à rien. Et pour cela, il y a dit qu'Allah Ta'ala « Wala takhawfuhum wa khawfunin kuntum mu'minin » N'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi, vous êtes croyants. Donc comment, quand tu entends ce genre de hadith, tu ne peux pas avoir peur d'Allah? Les gens, des fois, ils voient un homme plus grand qu'eux, ils ont peur de lui. D'accord? Juste quand tu fais 1m85, l'autre, il fait 2m10. D'accord? Quand tu fais 100 kilos, il en fait 150. Tu as peur de lui. Tu vois? Et tu n'as pas peur d'Allah, par contre. Peur d'Allah. Avec ce genre de athar et de adillah, qui sont pour nous, on va dire, on comprend le sens, mais c'est pas concevable. On comprend le sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut concevoir? On peut s'imaginer? On peut pas s'imaginer. Mais on comprend le sens. J'avais une personne qui se moquait de la religion et qui disait, regardez, l'histoire de Dieu. Il disait avant, quand les gens étaient à l'époque où les moyens n'étaient pas les mêmes, il disait que Dieu est dans les cieux. Il a dit, khalas, on était dans les cieux, on l'a pas trouvé. Alors, il faut dire quoi maintenant? C'est la stupidité. C'est quoi le ciel? Tu ne parlerais pas comme ça. Et l'espace que vous avez atteint, c'est combien ils ont atteint, l'homme? L'espace? C'est rien, quasiment. Ils ont atteint, allez, combien? 200 mètres, 200 kilomètres, 300 kilomètres. C'est rien. C'est moins grand que du pôle Nord au pôle Sud. La distance qu'ils ont parcourue dans l'espace, qu'ils ont fait dans l'espace, je parle de l'homme, soi-disant, et pas les machines qu'ils ont envoyées, elle est moins grande que la distance qu'il y a du pôle Sud au pôle Nord de la Terre. La Terre est plus grande encore. D'ailleurs, vous n'avez pas dépassé la distance de la Terre dans le ciel. Vous savez, il y a quoi dans le ciel? Vous savez qu'est-ce qu'il y a? Vous ne savez pas ce qu'il y a dans le ciel. Et comme ils ont atteint l'espace, ils disent, voilà, s'il y avait Dieu dans le ciel, on l'aurait vu. Tu vois, voilà, Azubillah. Chouf le stiza. Chouf la moquerie. Tu ne sais même pas ce qu'il y a dans ton propre corps. Peut-être même c'est dans ta propre assiette, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ce que tu manges, l'air que tu respires, les profondeurs, les abysses, les océans, on ne les a pas atteints. Sur notre propre sol, on ne l'a pas atteint. Et tu parles des cieux. Allahu Akbar. Tu vois? Tu vois l'orgueil de l'athéisme, la stupidité, les choses, les immensités, les immondités qu'ils peuvent dire ces gens-là. A'udhu billah. Bien que ces ahadith la tathbout min haythu at-tafasil, lakin on sait que c'est vrai dans le sens où la distance elle est immense. La distance elle est immense. Et le khuras de tout cela, c'est que Allah est au-dessus. Le sens de fi sama est fort que sama. Le sens de fi veut dire fort. Comme a dit Ta'ala, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Il n'y a pas de bête. Il a dit quoi? فِي الْأَرْضِ. Les bêtes, elles sont où? عَلَى الْأَرْضِ. Ce n'est pas dans la terre. Là, parce qu'il parle de tout ce qui est être vivant, tout ce qui est animaux. Il y a des animaux dans la terre, mais ils sont où? Voilà. Sinon, la plupart des animaux, ils sont où? Les êtres vivants? Sur la terre. Donc là, فِي, ma'ana, فوق, على. كذلك, قال والذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها. Celui qui vous a étendu la terre et marché à la base sur quoi? Sur son étendue. Dans le verset fi manakibiha. Parce qu'on marche à l'intérieur, là c'est ma'na ala. Donc lorsqu'on dit Allah fi sama et fawqa sama. Fawqa sama. Et non pas min haythu dharfiyya que l'intérieur là. Sama, c'est une création. Elle n'est pas dans sa création. Wa ba'in an khalqi, subhanahu.